Bonjour, aujourd'hui je m'adresse au cœur brisé. L'amour est la vie de l'âme. C'est Charlie Chaplin un jour qui, interrogé sur cette question, a dit lui-même que la poursuite de l'amour parfait est la plus grande de nos frustrations. Beaucoup de gens souffrent de la solitude et ont toutes sortes de troubles amoureux. Le suicide est quelquefois même envisagé comme une solution à cette souffrance. Mais voici quelques paroles qui pourraient changer votre vie pour toujours. Ils sont tirés du livre « L'imitation de Jésus-Christ » par Thomas à Kempis, et il a été écrit au 15e siècle. « L'amour de la créature est trompeur et variable. L'amour de Jésus est fidèle et persévérant. Celui qui s'attache aux créatures fragiles tombera avec elles. Celui qui s'attachera à Jésus sera pour toujours inébranlable. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera pas lorsque tous les autres vous auront abandonné, et qui ne permettra jamais que vous périssiez, car que vous le vouliez ou non, il faudra bien un jour que vous soyez séparés de tout. Attachez-vous à Jésus pendant la vie et la mort, et reposez-vous sur la fidélité de celui qui peut seul vous assister quand tous les autres vous manqueront. Vous serez bientôt trompés si vous ne vous arrêtez qu'à l'apparence extérieure des hommes. Et en cherchant dans les autres du profit et de la consolation, vous n'y trouverez le plus souvent que votre dommage. Que Jésus soit donc, entre ceux qui vous sont chers, votre souverain bien-aimé. Jésus seul doit être aimé d'un amour singulier, parce que de tous les amis, c'est le meilleur et le plus fidèle. » Fin de citation. En voici une autre du père Gonelieu. « Il est difficile de vivre sans avoir personne à qui l'on ouvre son cœur. » et à qui l'on fasse confidence de ses secrets. Or, pour qui pouvez-vous avoir cette ouverture de cœur que pour Jésus, lui qui, de tous les amis que vous pourriez avoir parmi les hommes, est le plus fidèle, le plus constant et le plus digne de votre confiance? Recourez à lui dans toutes vos peines. Dieu est le centre de nos cœurs, a dit saint Augustin, et ils seront toujours dans l'inquiétude tant qu'ils ne se reposeront pas en lui. C'est-à-dire que tant qu'ils seront attachés à eux-mêmes et à la créature, ils chercheront leur bonheur hors de Dieu, mais sans le trouver vraiment tout à fait. » Fin de citation. Saint Augustin a écrit « Pourquoi donc, lorsque vous éprouvez un chagrin, n'iriez-vous pas à Jésus-Christ? N'est-ce pas folie de vous attarder à chercher du soulagement auprès des créatures? Comment vous donnerait-elle ce qu'elle ne possède pas? Alors, vous avez raison de chercher sans relâche le bonheur, mais vous avez tort de le chercher parmi les créatures parce qu'il n'est pas là. Chez l'homme, c'est la convoitise de la chair qu'il pousse à se marier. Chez la femme, c'est la convoitise du bonheur ou de la sécurité. C'est ce bonheur illusoire qui lui fait croire qu'il trouvera, chez ce second mari peut-être, ce qu'elle n'a pas trouvé chez le premier. Saint Thomas d'Aquin a écrit « Nous ne pouvons aller mendier la félicité auprès des créatures. » Nous devons tout attendre du Christ. La Bible dit en Jérémie 7, verset 23, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à faire avec moi cette prière. Cher Seigneur, je reconnais mon erreur, celle de t'avoir détrôné et d'avoir élevé une créature humaine sur le trône de mon cœur. J'ai tant souffert de ce dérèglement d'affection. Reprends la place qui te revient de droit. C'est à toi que je dois le premier amour dans ma vie. J'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur et je place toutes les créatures en second. Je retrouve enfin l'équilibre et je possède enfin à nouveau mon cœur. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.